Bonjour Hélène Chevalier. Bonjour. On en parle ou pas, Charline, de ce matin? Ce vol honteux de mes journaux. C'est vrai, j'ai piqué vos journaux. Ouais. Parce que j'ai une passion pour la presse. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette émission. Et j'ai vu un tas de journaux ce matin. Et vous me les avez piqués. Ouais. Mais ça vous a pas empêché de faire vos flashs toute la journée? Mais si. Oh là là, vous n'avez pas informé la... Écoutez, vous savez quoi, Hélène Chevalier? Si vous n'avez pas réussi à informer la France toute cette journée, nous allons le faire tout de suite. Il faut vous écouter. Attention, parce que nous, on travaille aussi comme une vraie rédaction. Et le matin, nous avons, écoutez bien, une conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charline. Bon, aujourd'hui on a deux jurys de la Nouvelle Star dans l'émission. Oh, je peux chanter? Ah non, justement. Mais si, justement, c'est peut-être l'occasion qu'il chante et puis qu'on lui dise une bonne fois pour toutes qu'il est nul et puis voilà. Bah, il y a le clan Le Pen. Ah oui, non, j'aime pas ça. Bah, pourquoi t'as pas ça? Ah bon, ça va, cette histoire de tuer le père fait le nid dynastie. Mais attends, mais qu'est-ce qui t'ennuie là-dedans? Mais non, mais là Jean-Marie qui fait son truc et puis quand on en a plus besoin, on le vire. Par exemple, un peu comme si nous on continuait l'émission mais sans toi. Ah, c'est ça qui t'ennuie en fait. Mais pas du tout. Non, de toute façon, si l'émission continue sans moi, je vous obligerai à changer de nom. Bah comme Jean-Marie avec sa vie. Ça suffit de m'énerver, hein. Si vous continuez, je vire tout le monde. Ah, voilà, on dirait Marie. Non, mais c'est vrai, calmez-vous un petit peu. Charline a raison, il faut l'écouter. Bah, voilà. On tient notre Philippot. Oui, non, mais c'est comme ça. On écoute Charline et on choisit les sujets. C'est autre chose que la famille Adams de la politique. Voilà. Bah, y'a Aznavour. Ça va. Avant-hier encore, je vais. C'est un excellent sujet. Merci, Alex. En revanche, Alex, je maintiens. Tu ne chantes pas! Ok, voilà. Mais c'est ça le problème avec toi. On dirait Marine, dès que quelqu'un a une bonne idée dans l'équipe, tu veux lui mettre des pattes dans l'équipe. Bah, écoute, alors, c'est toi qui es comme Jean-Marie, hein, parce qu'en tout cas, en matière de chanson, tu es un boulet. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Ah, Philippot de retour. Non, mais il faut le dire, c'est tout. Marine a raison, et puis voilà. Pardon. Il a dit Marine. Non, Charline a raison. J'ai dit Charline. Non, mais parce qu'elles sont blondes toutes les deux. Non, je suis largement plus féminine que FN. Ah, bah alors ça, faudrait peut-être le prouver. Ah, ouais, tu le vois. Ah, bah voilà. Mais Charline. Mais t'as un tatouage de Patrick Cohen? Bonjour la France entière! Bonjour à tous! Vous écoutez l'émission qui survole l'actualité tel un rafale. Oh. Et voici les trois informations de pointe, de haute technologie, qui vont fendre les nuages jusqu'à 18h. Les femmes journalistes dénoncent le sexisme des hommes politiques dans une tribune publiée dans Libération. Rappelons qu'à l'époque de Françoise Giroud, ça se passait autrement. Il va falloir coucher. Ouh, il va falloir beaucoup coucher. Notre conseil du jour, parce qu'on n'a pas pu vous le donner hier, ben voilà, aujourd'hui pour étudier l'histoire, chanter l'histoire. Oui, c'est une solution puisqu'on nous dit que les programmes au collège sont tout pourris et que les élèves en pâtissent. À mort lui croivez bâton. À mort lui croivez bâton. Il sort son 51e album à 91 ans, presque pas encore. Charles Aznavour est le doyen de la chanson française. Je suis le dernier qui reste de l'ancien temps. Ça me fait pas de doute. Et il se produira où? Au Palais des Sports. Allez, pour m'accompagner aux commandes de ce rafale, voici celui qui saute avec moi chaque jour dans le cockpit. Oh, Alex Vizorek. C'est mon côté Tom Cruise. Bonjour, Charline. Félicitations. Autour de la table du lourd à 17h20, l'homme du futur. Puisque si vous ne comprenez pas ce qu'il dit aujourd'hui, sachez qu'il n'est pas exclu que vous le compreniez demain. Le visionnaire de l'émission, André Manoukian. De quoi on parlera? Bonsoir Alex, bonsoir Charline. On va parler d'un chanteur. On va parler d'un chanteur qui s'appelle Petite Noire. C'est curieux, mais c'est son nom de guerre. Il est né en Belgique, il est de parents congolais, il a été élevé en Afrique du Sud et il nous produit une musique. Eh ben, c'est peut-être la musique du futur qui nous produit, justement. À 17h30, l'homme du présent. Il est toujours ici et maintenant, même parfois trop, au point que les gens qui l'interrogent ne savent pas eux s'ils sont là et ils disent donc n'importe quoi. Raison pour laquelle lui était venu ici et maintenant, c'est donc Guillaume Meurice. C'est beau, on dirait du Vizorek. Alors moi, je me suis intéressé aujourd'hui au sondage. Qu'en pensent les Français? Eh bien, pour le savoir, j'ai fait un sondage. Et figurez-vous, ils sont sceptiques. Complètement, comme les fausses. Ah oui, ils sont rigolos aussi, les fausses sceptiques. Il y a plus fort que vous. Eh oui. Et à 17h40, la femme du passé. Elle est née aujourd'hui, gentil. Mais vit au Moyen-Âge, période où les hommes se battaient en duel alors qu'elle les observait au loin au travers de meurtrières d'un château construit en son honneur et jamais au grand jamais. Elle ne regarde le ménestrel que je suis et qui chante ses louanges tous les jours. Bonjour Clara Dupont-Meneau. Bonjour Alex. Bonjour Charles. Il y a un côté zinc ou pas? Non, zéro. Michel Zinc, précisez-le quand même. Alors, on va parler. Un fait divers qui tourne autour du vaudou. Doudou nous amène à la littérature fantastique avec un homme que je chéris, pardon Alex, qui est Lovecraft. C'est jamais moi. Allez, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre deux photos signées Alex Vizorek et sa perche à selfie. Chaque jour, c'est vrai, sa perche à selfie, mais c'est du sens propre, hein, pas figuré, attention. Chaque jour, dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous je ne sais plus qui parce que je ne l'ai pas noté. Vous étudiez la musicologie à la Sorbonne et vous êtes premier prix de chant au conservatoire juste après avoir créé votre premier groupe, les Swingums, en 80. C'est aussi l'année de création de Médecins du Monde. Votre spectacle, l'Ultima Recital, reçoit le Molière du meilleur spectacle musical en 99. Quand La Rousseau chante « Tu m'oublieras » et en cela, elle fut visionnaire, La Rousseau. On me signale que vous êtes née sous De Gaulle. C'est vrai. Après, vous êtes dévoilée comme chanteuse, vous devenez jury à La Nouvelle Star en 2004. Quand Charles Aznavour s'installe un mois au Palais des Congrès pour ses 80 ans, vous êtes, je vous laisse le dire... Patrick Topalov. Quelle surprise ! Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous êtes Miss Carpenter. Ah, vous avez invité Miss Carpenter. En tout cas, jusqu'au 29 août, du mardi au samedi à 21h, au théâtre du gymnase, en dehors, je ne sais pas, mais vous êtes Miss Carpenter, une pièce de Marianne James, oh, mais c'est vous, oui. Et Sébastien Marnier, avec une mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt et Steve Suissa. Ouais. Alex Vizorek est allé vous voir. C'est moi qui suis au théâtre du gymnase. C'était un bonheur. Et il a détesté. Pas du tout. Je me suis beaucoup amusé et on a retrouvé Marianne James en seul en scène. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un one woman show tellement que c'est tellement vous cette personnalité qui bouffe la scène. Oui. Oui, alors c'est celui de Miss Carpenter et oui. C'est 80 ans. Et c'est 80 ans. Ça, c'est votre technique de vous cacher toujours derrière un personnage, quand même un petit peu. De l'Ultima Recital, vous aviez fait ça aussi. Ben oui, mais c'était celui d'Ulrika von Glott. Voilà. Et là, c'est celui de Miss Carpenter, qui sont cousines. Elles sont cousines. Moi, personnellement, je m'étais créé un spectacle, un one musical, qui s'appelait Le Caprice de Marianne, où je ne prenais ni des voix terribles, ni je fouettais, ni je déshabillais mes partenaires, ni je tuais mes époux avec des pratiques sexuelles. Donc, je tairai le nom. Après-midi parce que beaucoup d'enfants écoutent et donc non, il y a vraiment une outrance, il y a vraiment un parti pris de la caricature et du quelque chose d'assez féroce dont je n'ai pas besoin quand juste je prends ma guitare et je chante pour mes amis. Pour moi, je suis pas schizo, je fais vraiment la différence. Mais... contrairement à vous, espèce de belge. Mais c'est parce que moi je vous vois partout, dans toutes les femmes, quelque part, Marielle. Mais il m'a dit la même chose, hein, Marielle. Je sais, j'allais vous le dire. Non, ce que je veux dire, il y a une tendresse pour ces actrices-là parce que clairement, Miss Carpenter, c'est une actrice qu'on n'appelle plus, qui était une star à l'époque. Enfin, on ne sait jamais vraiment parce qu'elle pense avoir eu l'Oscar. On n'est pas vraiment certain qu'elle l'a eu. Elle nous clame un peu souvent qu'elle a été oscarisée. Elle est Best Actress, Oscar 1967. Et elle se trompe avec les doigts. Elle se trompe avec les doigts parce qu'elle a de l'arthrose dans le majeur. C'est pour ça qu'elle est souvent comme ça, n'est-ce pas ? Et comme par hasard, en 67, c'est Elizabeth Taylor qui l'a eu. Eh oui, c'est pas elle. Non, mais alors, ce n'est jamais elle. Il y a un peu du Elizabeth Taylor dans ce personnage. Il y a un peu du John Crawford sur la fin, il y a un peu du Zsa Gabor, c'est un peu toutes ces actrices-là qui vous inspirent. C'est du Sunset Boulevard, oui, surtout. Oui, il y a ça. Il y a du Girardot, il y a Romy Schneider, il y a des phrases de Romy Schneider, il y a toutes les phrases de Betty Davis jusqu'à, je sais pas, moi, Suzanne Sarandon, Orson Welles, Elvis Presley, ça chante les Beatles, ça chante le disco. Suzanne Sarandon, c'est un autre Hollywood. Là, on est quand même dans une mythologie du Hollywood des années 50-60. Nous allons aborder un sujet sur les femmes politiques et être tout simplement femme à Hollywood, quelles que soient les saisons ou les époques. Que c'est d'une grande violence pour les femmes. Vraiment, c'est d'une grande violence. Toujours. Mais l'oubli, parce qu'il y a un peu de ça, on l'oublie, cette actrice. Ce n'est pas vraiment plus violent pour les femmes que pour les hommes. Si, c'est plus violent, oui. D'accord. C'est plus violent pour les femmes. On est bien parti pour le sujet. C'est plus violent pour les femmes. Non, non. Tout parce qu'un homme, après, enfin, on les a vus, que ce soit Clark Gable et tous les autres, ils ont eu des vraies carrières magnifiques aux tempes argentées. Ce qui n'était pas les tempes argentées chez les femmes, ça ne marche pas à Hollywood. C'est pas possible. Regardez Guillaume Meurice. Moi, je commence tôt. C'est vrai qu'il est argenté. Ouais, ouais. On va avoir l'occasion de reparler de Miss Carpenter au fil de cette émission parce qu'on a trouvé l'un ou l'autre sujet qui est connexe à votre personnage. Et on vous retrouve aussi dans les symphonies subaquatiques aux éditions des Braques. Mais oui, alors c'est un conte musical au cœur des océans où vous êtes Sheila la pieuvre. La disco-pieuvre. La disco-pieuvre, parce oui, parce que vous êtes la reine du disco à la biscothèque. Mais c'est, ça, c'est son club. Mais oui. C'est le club de Sheila la pieuvre, la disco-pieuvre, la biscothèque. Bah, un truc musical pour enfants. À cause de ces deux terribles créatures là qui nous regardent. Qui sont dans notre studio, le conte musical de Valérie Bourg et de Sébastien Buffet, avec Kent notamment, avec Jacques Gamblin, Agnès Jaoui, il y a Dominique. Ah, quelle belle affiche. Et ben, c'est l'histoire de, on essaye de raconter aux enfants tout simplement qu'il y a un continent de sacs plastiques et que c'est un petit peu dérangeant de les avaler et d'en crever quoi. Et tous les animaux nous le racontent assez simplement. C'est très très beau, les mélodies sont magnifiques. Merci Sébastien, puisqu'il est dans le studio avec nous. Et les textes sont tout sauf cons. Et on s'y est tous prêtés. Voilà. Un livre, un CD, les symphonies subaquatiques, conte musical au cœur des océans. Ouais. En direct de la biscothèque, avec vous. C'est les éditions des Braques. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h dans Si tu écoutes, j'annule tout, en compagnie de Marianne James, alias Miss Carpenter, au théâtre du Gymnase. Was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. The son of a preacher man, vous êtes sur France Inter, c'était Dusty Springfield. Quel accent, hein. Et qu'est-ce qu'il a mon accent? C'est de mieux en mieux, André. Il est sexy. J'ai dit sexy. Son of a preacher man et non pas of a perchman, parce que perchman, c'est Alex Vizorek et sa perche à selfie qui nous poursuit. Le nouvel accessoire. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Marianne James jusqu'à 18h et autour de cette table, Alex. Eh bien, l'équipe type, André Manoukian, Clara Dupont-Mono et Guillaume Meurice qui a été faire des sondages en rue. Oui, tout à fait. Très bien. Faut ennuyer aussi le Kidam. Ah ben oui, et avec Alex Vizorek, on a feuilleté la presse, écumé la radio, revue de presse en tandem. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par la vente des 24 rafales. Attendez, excuse-moi Alex, on dit pas 24 rafaux? Un rafale des rafaux? Non, je ne pense pas. Non. Dans le lot des 24 rafales, on compte 18 avions. 18 avions. Ah, oui, d'accord. Je veux dire, mais quand on dit des rafaux, on peut dire avions. Je 18 avions en version. 18, vous pouvez même dire. 10, mais 18, 18. Bon, 19. ça vous y va? En version monoplace. Voilà, sur 24, il y en a 18. en version monoplace et 6 en version biplace. Voilà, wow. C'est normal parce que là-bas les femmes n'ont pas le droit de conduire. Voilà, je crois qu'on a un peu pourri la vanne avec ce problème de calcul. Ce qui nous amène au voyage de François Hollande et Jean-Yves Le Drian en Arabie Saoudite et au Qatar. La seule personnalité qui les accompagne, c'est le président de l'Institut du Monde Arabe, c'est Jack Lang. Ah, visiblement l'émir du Qatar envisage d'organiser une technoparade dans son salon. Oui, ou alors une gay pride. Non, pas une gay pride. Sûr que dans la région du Golfe. Ah bah oui, la région du Golfe. Attendez. Oui. Pierre Gattaz se déclare fou de joie à propos de ce voyage. Bah, il adore le golf, il joue tous les dimanches. Voilà. Passons à Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'énerve pour une affaire de ticket de métro. Oui, on lui a encore posé la question du prix du ticket de métro et une fois de plus, elle savait pas répondre car elle a un pass Navigo dont elle connaît bien sûr le prix. Ah, c'est une info ça. Oui, c'est une info, faut croire, parce qu'elle s'est fendue d'un grand article sur son blog pour répondre et elle écrit « Demander le prix du ticket au détail à un Parisien, c'est un peu comme interroger une femme sur le coût du Tampax à l'unité. » Ah bah dites-le que c'est curieux comme comparaison. Bah disons que rapprocher Tampax et ticket de métro, je suis pas freux, oh. Mais on peut tirer des conclusions sur l'intimité de c'est LKM. C'est toujours une question de fente. Voilà, moi je ne l'ai pas osé, mais si vous la faites. Ah, tout est fente, alors dans le dictionnaire AF, FENTE. Dans voilà. La perche. Oui, selon voilà. Les nuls, mais qu'est-ce que j'ai fait mon ticket de métro. Exactement. Pour paradis les nuls. Voilà, il est temps de passer au Front National. Oui, Jean-Marie Le Pen est suspendu et a crié à la félonie. Ah, il a coupé en deux sa carte d'adhérent. Non, il a demandé à sa fille de changer de nom. Ah oui, mais elle vient déjà de changer de nom, maintenant elle s'appelle félonie. Donc on peut décréter aujourd'hui que Marine Le Pen s'appelle félonie. Bah, c'est ça, ouais. Bah, mais c'est pas un prénom, ça. Ouais, attendez, vous connaissez pas la chanteuse Félonie Winter. Non. Oui, bah, c'est beaucoup de boulot, les journées de travail. Mais vous êtes rémunéré. Comment ça se mais passe? Ils le savent à la direction Il n'écoute pas. Il coupe entre 17 et 18. Je ne connais pas la chanteuse. En revanche, je connais la chanson pour Marine. C'est dans les pas de son papa qu'on a découvert Félonie. Elle a même imité sa voix et répété tout ce qu'il a dit. Mais quand elle fut enfin prête, elle le mit à la maison de retraite. Il est devenu méchant, il est vieux, il bave tout le temps, Félonie. Aussi, il s'ennuie dans son dortoir, il pleure et il broie du noir, Félonie. Aussi, il digère mal son 4 heures, d'ailleurs il ne veut plus de beurre, Félonie. Aussi, et le pire, cette vieille fripouille parfois nous montre ses couilles, Félonie. Aussi. Bravo Alex Vizorek. Est-ce que j'ai droit à deux bleus? Deux bleus dans ta face. Bon. C'est quoi des bleus? C'est quand ils étaient jurés. Excusez-moi, je dois faire partie du 0,0001% qui n'ont jamais vu la nouvelle star. On est deux. Hein. Mais non, c'est The Voice. Mais en revanche, je vous ai déjà vu. Le regard noir de Marielle James. Un œil noir. Magnifique chanson. Magnifique chanson. Vous pourriez chanter sur les symphonies subaquatiques. Non, pas en étonnamment, la demande ne m'est pas parvenue. Oui, c'est vrai, étonnamment. Nous sommes avec Marielle James qui a mal aux oreilles. Jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise. J'ai maintenant mal à la France, madame. Et quand on s'appelle Marianne, ça doit faire mal. Vous encore imaginez plus mon buste dans toutes les mairies? Bah oui. Je relancerai les 6 mois français. Vous savez, avec Vinci et Bouygues, ils n'ont pas tellement besoin. Ils vont au Qatar pour ça, il n'y a pas de problème. Ah, allez, premier sujet. Nous ne sommes pas la génération Giroud, nous disent 40 journalistes politiques. Autrement dit, on ne bat pas des cils pour obtenir des informations, mais on se fait encore mettre la main aux fesses par une génération d'hommes politiques, et en particulier les sexagénaires, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Hein. Draguer, ça m'emmerde. Mais je vous trouve pas spécialement tarte, attention. Non, mais dites donc, je vous demande rien, hein? C'est pas parce que j'ai mis une jupe fendue, mon balconnet double Juliette, un porte-jartel noir et puis un petit slipounet fripon en dentelle incrustée comme ils font maintenant, qu'il faut tout de suite vous imaginer des trucs, pauvre malade. Ben non mais dites donc, j'imagine rien du tout moi. Non mais oh, hey, entendons-nous bien, hein, moi j'ai rien contre vous personnellement. Hein. Seulement maintenant, avec les mœurs d'aujourd'hui, si on vous fout pas tout de suite la main au cul, on passe pour un PD. Alors ouais. Enfin, en tout cas, automatiquement, si vous voulez qu'on fasse, enfin, je sais pas moi. Écoutez, en tout cas, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, et puis avec qui vous voulez, et comme vous voulez. Voilà, on est en République. Comme vous voulez, une interview peut-être, puisque c'est le sujet. C'est Evelyne Grandjean et Pierre Desproges, voilà, dans le sketch. Pierre, ouais. Voilà, dans le sketch Le Banc. Donc, une interview, ok mademoiselle, mais venez plutôt le soir. Ou est-ce que vous rêvez de moi la nuit, en pleine interview comme ça. Ou une main dans les cheveux qui passe subrepticement comme ça. Voilà, les journalistes politiques vivent finalement ce que vivent pas mal de femmes, de filles dans les entreprises, partout, dans tous les métiers. Hein. Mais là, c'est le milieu journaliste et politique, donc ça prend un écho particulier. Vous avez vu cette tribune dans Libération, plus un dossier qui est très intéressant. Quel œil vous avez porté là-dessus? Vous vous êtes tout de suite dit, tiens, est-ce que ça m'est déjà arrivé dans le milieu artistique? Comment ça marche? Les politiques, avec Manoukian, le dernier politique que j'ai rencontré. Ça a un écho particulier quand c'est les journalistes et les politiques. Mon premier écho, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je trouve que c'est juste ce qui se passe dans le reste de la société, donc ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Que pour une femme qui veut devenir pilote de l'air, n'importe quelle femme chirurgien et qui doit faire ses classes à l'hôpital, etc. Je pense que on n'imagine jamais le talent infini des femmes, voilà. Et, oui. Et puis même en France, quand on n'imagine pas qu'une femme soit présidente, donc tout est dit. Et le talent infini des hommes politiques aussi. Je voulais vous citer un petit extrait. Le député PS du Nord, Bernard Roman, avait demandé à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, si elle connaissait, je cite, la différence entre une vaginale et une clitoridienne. Voilà, laisse-moi 2 minutes, je t'explique. C'est la ministre de la Santé, c'est le type se renseigne. Oui, mais c'est ça. mais tout à fait, bien sûr. Alors, une chercheuse en sciences politiques qui explique qu'il y a notamment une construction autour de la puissance sexuelle, notamment des hommes politiques et particulièrement des présidents. Mitterrand et ses deux femmes, Chirac et sa réputation de coureur, le corps transpirant de Nicolas Sarkozy. Mmh. Mais voilà, il y a une puissance masculine, sexuelle qui émane des politiques. Il paraît que les hommes politiques, pour arriver à cet endroit-là, ce sont tellement des battants quand même. Moi, je le trouve pas très battant et pas très orateur. Je trouve qu'il manque de voix, c'est lequel de dire, pas seulement dans les urnes. Je vais faire une rime terrible, mais je vais pas la faire. Mais Miss Carpenter, elle dit, elle doit tenir tête à l'homme hédoniste. Hein. Et pour ça, elle Madone plébéienne avec un soupçon de vulgarité. Il y a aussi une volonté d'être dans un rapport de force et de s'imposer par rapport à la gente masculine. Celui de Miss Carpenter ou le mien? Parce celui de Miss Carpenter, elle se sera battue toute sa vie avec ça et elle a résolu. Non pas Philippe Risoli. J'essaie de me mettre au niveau de cette émission. Attention, c'est Felony Winter. On a pensé pour arriver à ça. Et ben justement. Et donc elle est issue de ces années 50-65, donc du 20e siècle hollywoodien. Et donc bien évidemment, une femme se doit, par exemple sur le baiser, une scène de baiser, il est évident qu'une femme ne peut pas avoir, elle doit vraiment pencher sa tête et être en dessous du monsieur systématiquement. Ce n'est pas possible. On peut pas imaginer après avec les films genre Thelma et Louise où on voit ce pauvre Brad Pitt se faire chevaucher alors que c'est lui le cow-boy. Hein. Vous vous souvenez de cette scène avec... Non. Si, après, ils volent tout l'argent. Et ouais, après il les dépouille. C'est un autre dossier. Comme les politiques. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, le premier sentiment qu'ont les garçons, c'est quand même la peur. Donc ils courent. Donc par contre, eux, je les entraîne pour le 400 mètres. Et généralement, je vais bouh, comme ça. Wouh, ils partent et ils gagnent. Mais oui, c'est dommage cette bagarre entre les hommes et les femmes. Ouais. Ce que je trouve de dommage en ce moment, c'est que les hommes, ceux qui sont un peu. Pour lesquels c'est douloureux d'en parler en ce moment, vous disent ouais, vous avez tout obtenu, les femmes, ce qui est faux. Tous les jours, les chiffres démentent absolument cette phrase. Elles n'ont rien obtenu. 7% des chefs d'entreprise sont des femmes, donc 93% donc sont des hommes. 27% à la députation. Un quart de femmes, oui, à l'Assemblée. C'est tout. Voilà, les travaux ménagers sont encore faits par le maximum par les femmes, etc. Et tout. Donc les chiffres, sont de compétences. Les salaires. Les salaires féminins, la plupart des jeunes interviewés, des jeunes actrices d'aujourd'hui, diaphanes et un peu squelettiques, si vous me le permettez, disent toujours en préambule à tous les interviews, que ce soit dans le magazine, notre fameux magazine du TGV ou Le Parisien, comme ça on voit large, disent toujours, vous savez, je ne suis pas féministe. Au cas où on aurait un doute, je ne suis pas féministe. Et j'ai envie de dire au fond de moi, qui suis plus âgée, oh ma pauvre, mais tu devrais l'être, voilà. Et André Manoukian, à cette heure-ci, Marianne G. Moi, je suis féministe et je revendique mes 50% de féminité. Et vous rehaussez le niveau de cette émission aussi, il faut le dire à Marianne pour la rassurer. Ça, voilà, je le sais. Et là, nous allons partir en Afrique du Sud. Alors, si on part en Afrique du Sud, s'il n'y a pas une fois au moins le mot Yoruba une fois, non, je ne comprends rien. Non, Yoruba, sans Yoruba. C'est pas en Afrique du Sud, Yoruba, c'est. Non, je sais, mais vous y arrivez toujours. Non. Là, l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. En fait, c'est un concept inventé par l'archevêque noir Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 84. C'est un symbole qui évitera peut-être un bain de sang lorsqu'en juin 91, l'apartheid est aboli et Nelson Mandela libéré. Le monde entier est en Afrique du Sud. Ça, c'est le deuxième symbole, slogan qu'on voit partout en Afrique du Sud. On peut dire en effet que pratiquement toutes les nations du monde y sont représentées. On peut dire qu'ils sont venus des quatre coins de la Terre pour peupler ce paradis où régnera pourtant un enfer instauré par une poignée de blancs pendant un demi-siècle, résultat de l'anxiété historique des Afrikaners obsédés par leur peur d'être engloutis par la masse des peuples noirs environnants. Rappelons qu'entre autres joyeusetés, à Johannesburg, jusqu'à la fin des années 80, on pouvait voir dans la rue tous les noirs courir à partir de 18h. Pourquoi ? Parce que s'ils rataient le dernier train pour Soweto, il y avait une loi qui disait qu'aucun noir n'ayant le droit d'être à partir de 20h la nuit, c'était couvre-feu pour eux, on pouvait les descendre à vue, les flinguer, et on était impunis pour ça. Voilà. Alors dans ce contexte, le miracle de la réconciliation mené conjointement par Tutu et Mandela eut vraiment lieu, même si la société sud-africaine d'aujourd'hui est loin d'être idyllique. Il n'empêche que ce pays est béni par la nature. Charline, imaginez-vous, on va dans le sud, on se met devant Cape Town, on s'adosse à Table Mountain, c'est une montagne plateau recouverte d'une fine nappe de nuages qui surplombe la ville. On voit très très bien les townships. Exactement. Oui, mais on voit aussi d'abord alors l'océan Atlantique qui se joint à l'océan Indien, en même temps que des ballons qui batifolent avec des surfeurs blonds. Et c'est vrai que si on regarde vers l'ouest, là, on voit le township de Guguletu. Et là, mes frères, c'est le temple de la meilleure musique du monde. À l'entrée du township, il y a un boucher. C'est le personnage central et éminent. Il vend une viande excellente et la moins chère du monde. Tous les dimanches matin, il installe des barbecues devant son étal. On y fait cuire la viande qu'on y achète. On y amène ses bières et les ghetto blasters ont fait place maintenant à un énorme sound system qui fait danser toute la jeunesse de Cape Town sur la meilleure musique du monde, le Kwaito. C'est quoi ? C'est une techno organique où tout est joué. Imaginez, Marianne, des beats électro exécutés par des tambours africains. Imaginez des séquences de guitares zaïroises. Imaginez des nappes de chants zoulous, des riffs de Ngoni, la basse africaine. Nation arc-en-ciel, je sais pas, mais musique arc-en-ciel, oui, ça c'est sûr, et c'est réussi. Eh bien, ce dont il est question ici, c'est une démarche contraire. Je vous ai parlé d'une musique de blanc jouée par des instruments noirs. Eh bien, notre artiste du jour, il fait le contraire, une musique de noir jouée par des instruments blancs. Je vous explique. Il est né à Bruxelles de parents congolais et angolais. Il s'appelle Yannick Ilunga et il a choisi comme nom de guerrier Petite Noire. Il a été élevé en Afrique du Sud. Il est multi-instrumentiste comme Priest. Il va s'imprégner de musique africaine, mais aussi de toutes les musiques urbaines d'Afrique du Sud, rap et rock alternatif, qui furent des vecteurs de contestation de la jeunesse blanche pendant l'apartheid. Une alliance ethnique musicale est mise en place. Le funk des townships, l'électro-afro, une nouvelle musique en somme. Petite Noire a une voix lyrique, mais lyrique anglais. Il est habité par un sombre romantisme façon Tom York ou James Blake. Si sa pulse est afro, ses riffs ethno sont joués par des synthés. Il nous produit, vous avez compris, il fait de la musique africaine avec des instruments blancs. Il nous produit une cold wave brûlante où les machines ont un déhanché du bassin délicieusement africain. Alors dégustons la promesse musicale. Si le rêve de Tutu, une nation arc-en-ciel, un seul peuple, riche de toutes les influences du monde, est encore loin, soyons optimistes mes frères, car si la musique annonce une société à venir, il y aura peut-être un jour, même chez nous, qui sait, plus de monde au balcon que nos trois courageuses femmes pour stopper le fascisme. Parce qu'à un moment donné, à force de rigoler avec Marine, il faut appeler les choses comme par leur nom, c'est du fascisme. Je voudrais juste dédicacer, une fois n'est pas coutume, cette chronique à Rémi Colpa Kaboul, RKK, grand connexionneur devant l'éternel qui nous a quittés dimanche, l'inventeur de la sono mondiale et du contrôle discal qui laisse derrière lui de nombreuses tribus en pleurs, au point qu'elles ne feront plus qu'une. Et comme le dit le journaliste du Monde qui a écrit sa nécro, ça, c'est le signe d'une vie réussie. À toi, Rémi, qui n'aurait pas renié Petite Noire. Can make me feel the pain. Only you. Petite Noire, Come Inside, on vous le conseille, c'est le choix d'André Manoukian. J'adore. Un métissage congolais-angolais et l'influence de l'Afrique du Sud où il vit. Marianne James, c'est chouette, non ? Ah, moi j'adore. Petite très Noire. Bon, je découvre, c'est vraiment Come très Inside. Beau. Et c'est les découvertes chaque jour d'André Manoukian. Merci André. Alors, il y a une autre découverte. C'est l'homme à votre droite. Vous êtes bien cerné entre Manoukian et Guillaume Meurice. Qui fait du comique d'investigation, c'est-à-dire que d'argent. Faut se méfier de ces blagues mecs parce que Silver Fox, voilà. Ah, Silver Fox. Quand la blague relève l'information, c'est je vous assure c'est possible, wow. Il le fait. Enfin, c'est un métissage aussi de deux styles. Je vais essayer. Alors je vais vous parler sondage aujourd'hui et j'ai les chiffres. 85% des Français pensent qu'il y a trop de sondages en France, selon un sondage, hein, bien évidemment. Car en France, on aime détester ce qu'on adore et inversement. Donc on déteste les sondages, mais il y en a partout, dans tous les journaux, même sur les sacs à vomi, il y a des sondages. C'est véridique, hein, prenez un sac à vomi célèbre, Valeurs Actuelles, et ben, il y a un sondage par semaine, essentiellement sur Christiane Taubira, hein, d'ailleurs. Alors, un sondage, c'est pas très compliqué à faire, il suffit de prendre un panel et de l'interroger. Moi, par exemple, est-ce que vous savez que je suis la personnalité préférée des Français ? C'est pas vrai. Eh ouais, wow. Le panel, c'est ma mère et mon chien, mais quand même. Ça fait 100%. Alors attention, ça fait 100%. Ouais, attention, le chien, c'est pas prononcé. Il y a des forts en maths. Alors attention, je dis c'est pas compliqué, mais il y a quand même une technique, il y a un savoir-faire. Parce que parfois, les citoyens français sont quelque peu obscurs. Pour preuve, je suis allé à leur rencontre ce matin sur le marché de Ménilmontant et écouter celui-ci quand on l'interroge sur les sondages. Tous les sondages, ils sont faux parce qu'ils font tout. Pour que ça vienne tout droit chez eux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, moi j'en ai parlé une fois, c'est la même chose que M. Hollande, quand il a fait le mariage pour tous, c'est pour passer comme président. Et tous les Henri IV, c'était bien un PD. Voilà. Alors, là, je suis désolé, mais c'est pas... Ouais. C'est pas facile, hein. Vous avez dit, les Français, c'est vous pas facile. Vous êtes le Silver d'art. Alors, je sais pas, peut-être qu'il a écouté ma chronique d'hier, parce que j'ai fait une chronique sur la royauté. Mais bon, je vois pas bien le rapport entre les sondages et la sexualité d'Henri IV. À mon avis, il y en a autant qu'entre la rigueur dans les citations et une chronique d'André Manoukian. Mais Henri IV, on l'appelait pas le vert galant? Non, mais c'est c'était Henri III. C'était Henri III. Mignon, ouais. Avec ses mignons. Je vous l'ai dit, c'est compliqué. Ouais. Et les Français sont parfois bizarres, n'est-ce pas, monsieur? Ben non, mais ils savent pas ce qu'ils veulent, les Français, déjà eu. Mais vous savez ce que vous voulez? Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Un changement radical. C'est-à-dire ? C'est-à-dire changer tout ce qu'on a en tête, à notre tête en ce moment. Mais pour mettre quoi à la place ? Alors là, étant donné qu'ils sont tous plus ou moins pareils, c'est le gros point d'interrogation. Ah bah oui, vous savez pas non plus. Bah non. Bah non, voilà. Il était français, voilà. Donc c'est logique. Le français est logique. Alors, pas toujours, hein. Je suis allé en voir un autre. Si un mec comme ça dans la rue vient vous voir avec un micro, vous lui répondez non, ou pas ? Non, je lui réponds sympathiquement que je ne peux pas et que j'ai pas le temps et que voilà. Même si c'est un mec avec un micro France Inter ? Ouais, bah écoutez, non. Vous lui répondriez pas ? Si, là je vous ai répondu à votre question, voilà, parce que vous l'avez demandé gentiment. Ah, voilà l'astuce. Mais oui, quand on fait un sondage, il faut être gentil. Mais pour de faux. Enfin, il faut juste paraître gentil. En vrai, on s'en fout. Il faut être Michel Drucker, en fait. Voilà, pour simplifier. Et moi, je faisais un sondage sur les sondages. Donc, il fallait que je sois doublement Michel Drucker. J'ai donc continué doublement gentiment avec ce même citoyen. Est-ce qu'il croit au sondage ? Les sondages, non. Franchement, non. Il y a 88% des Français qui ne croient pas au sondage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont raison. Vous croyez à ce sondage quand même ? Non, pas du tout. Bah, vous pensez qu'ils ont raison de ne pas croire au sondage ? Ah oui. Il y a 88%. Oui, déjà, 88% est un sondage. Ah bah oui, voilà. Ah, ouais. Là, vous m'avez eu, là. Ah oui. Il est bien, lui. Oui, parce que quand on fait un sondage et qu'on est gentil, on peut tout obtenir des gens. Jugez plutôt avec cette dame. Ah. Par exemple, il y a un sondage qui dit que 88% des Français ne font pas confiance aux chiffres des sondages. Et 44% oui. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui. Ça, vous pensez que c'est un sondage qui est fiable ? Oui, un peu, oui. Vous seriez dans quelle catégorie ? Oui, dans celle-là, oui. Dans 44%... Qui pense que c'est fiable. Oui, voilà. Oui, ouais, voilà, un sondage qui donne 132%, hein, peut être considéré comme fiable si c'est demandé poliment, bien sûr. C'est pour ça que Jean-François Copé, il est très gentil et très poli avec les gens qui recomptent les voix des élections à l'UMP. C'est une technique, voilà. Alors, autre astuce pour les sondages, mettre la réponse dans la question. Exemple. Qu'est-ce que vous pensez des questions pourries qui sont posées dans les sondages ? Elles sont pourries. Ah bah voilà. C'est facile, vous répétez toujours la même chose. Ah, c'est vous qui répétez. Non, c'est vous. C'est vous qui avez dit pourri. Bah c'est pourri. Voilà, donc ça peut marcher à mettre la réponse dans la question. Alors nous, on appelle ça la technique von Hunacker. Ah, c'est vrai, ici autour de la table. Par exemple, Marianne Gers. Mais oui, Charline, elle va vous poser la question. Elle va vous dire, qu'est-ce que vous pensez du vilain méchant pas beau Nicolas Sarkozy? N'est-ce pas qu'il est tout nul? Voilà, c'est la technique von Hunacker. Si vous donnez les ficelles. Alors attendez, il y a d'autres techniques, il y a d'autres méthodes. Je vais déposer ça à la propriété intellectuelle. Mais oui, vous devriez. Alors il y a une autre méthode. Alors c'est la plus utilisée dans les sondages. Poser une question, puis interpréter la réponse. Alors ça, c'est la technique Guillaume Meurice. Ah, technique dite de la mauvaise foi. Mais bon, elle est très efficace, vous allez voir. Prenons un citoyen au hasard et posons-lui une question d'actu. Est-ce que vous êtes pour plus de mesures de sécurité quant au risque terroriste? Ah oui. Et comment? Ça oui. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc là, vous pouvez titrer sans problème « Les Français soutiennent Manuel Valls dans sa politique de lutte contre le terrorisme ». Ok, d'accord? Prenons le même citoyen. Hein, le même, c'est important. Et posons-lui une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord si le gouvernement espionne vos mails, vos SMS, vos appels téléphoniques? Pas du tout. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Et voilà, et là, vous pouvez titrer « Les Français hostiles au projet de loi sur le renseignement ». Vous voyez, c'est simple. Voilà comment on sonde l'opinion publique tout en fabriquant l'opinion publique. Opinion publique, il suffira par la suite de sonder. Vous voyez? Ah, alors attendez, il y a un sondage en direct. Attendez, seulement 8% des auditeurs ont aimé ma chronique? Ouais, en fait, c'est bien ce que je disais, c'est les sondages. Moyenne. C'est vraiment de la merde. Merci Guillaume Meurice. Ça vous a convaincu, Marianne James? Eh bien, je le trouve brillant, je le trouve argenté même. Ah, écoutez, il irradie dans ce studio. Sous les pavés, l'actualité, avec vous Marianne James, jusqu'à 18h. Je rappelle que vous êtes Miss Carpenter au Théâtre du Gymnase, c'est un autre registre. Mais écoutez, on va reparler musique et puis histoire, on aura l'occasion d'en reparler. Sujet 2 avec vous, la passion des Français pour l'histoire s'exprime à travers la musique. Chant révolutionnaire, chant de la Renaissance. Ils ressortent en album. L'histoire en musique, c'est aussi un filon commercial en fait. Ils ont, par leur musique toute royale, accompagné les plus grands événements de l'histoire. Esteban. Pour ma part, j'aime ces musiques indissociables des riches œuvres de l'histoire européenne depuis 4 siècles. C'est pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui vous faire partager mon choix. Ah oui, parce que bon, ça va, il y a un moment, ça va quoi. C'est surtout les maisons de disques qui ont besoin de concept albums et nous proposent, mais si vous saviez ce qu'on nous propose. Dites-nous. Ah ben moi, je devais reprendre toutes les chansons de Pierre Perret et de le zizi de Pierre Perret, puis je sais pas quoi, en disant voilà, que j'aurais la nature pour rechanter. Voilà, chansons paillardes, ouais. Toutes les chansons paillardes, voilà. Et là, vous êtes dit là, non. Et alors, ça m'a pas fait plaisir, mais bon, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est tout ce qu'ils ont à me proposer, moi, en tant que chanteuse et musicienne, ça fait bizarre un peu, ouais. Il y a de l'histoire dans l'air, c'est un article du Figaro daté d'hier, avec Stéphane Bern. Alors, le Figaro dit que Stéphane Bern titre modestement les musiques royales de Stéphane Bern. C'est le Figaro qui le dit, alors que je pense qu'il écrit dans le Figaro Magazine. C'est quand même, c'est rigolo. Vous essayez de foutre la merde de Figaro, c'est ça. Non, mais bon, voilà. Alors, c'est vrai, dans une forme de période de repli quand même, où on regarde vers le passé, et donc on ressort les chants de la Renaissance et les chants révolutionnaires. Mais est-ce que vous avez cette curiosité quand même aussi des chants d'autres époques ou de chansons d'autres moments? Alors, et que ça fait partie de la curiosité intellectuelle? Miss Carpenter, nous sommes allés tous ensemble sur Google écouter les chants de la Légion française. Ah, parce voilà. Qu'à un moment, donc on a au moment de la mort supposée peut-être de Miss Carpenter, il y a un hommage de la nation par 3 légionnaires, bien évidemment. Ils sont super, vos 3 collègues sur scène. Ah, ils font beaucoup de choses. Hein, Romain Lemire, Bastien Jacquemart et Pablo Villafranca et de temps en temps Philippe Davila. Quoi. Ces 4 créatures. Et, voilà. Et donc, on a écouté vraiment ce que les légionnaires chantaient. Donc, sur Google, si vous tapez « Chant de la Légion étrangère », c'est extraordinaire. Il y en a des pages et des pages. Et oui, on s'est replongé dans « La France n'a pas très Mais c'est toujours Marianne Jones, bonjour. Et vous savez quoi, on a eu beaucoup de mal à trouver cette scansion, cette façon de, il faut marcher au pas, et donc c'est vraiment enraciné dans l'oreille des gens. Oui, et, c'est une scansion d'une autre époque. Mais aussi, par contre, celle d'Henri IV, on n'a pas entendu. Henri IV, voilà, on n'a pas entendu. Et voilà, comme quoi, c'est vrai que l'histoire est partout. Et tiens, en exemple, avant de vous laisser la parole, Clara Dupont-Mono, il y a par exemple Rosemary Stanley, hein, du groupe Moriarty, qui sort Love I Obey. Ce sont des chansons anglaises et américaines du XVIIe au XIXe siècle. Mm-hmm. Et donc, l'histoire est vraiment partout. Et surtout votre copain Dovatia qui a une comédie musicale sur l'histoire qui arrive. C'est ça. Bah, oui, là, il continue sa trilogie sur les rois de France avec le roi Arthur. Ouais. Clara Dupont-Moreau veut aller voir. Vraiment français. Clara, c'est à vous, parce que vous allez aller voir, c'est votre passion. Magique. Entre toi et moi. Vous voyez bien ce titre, vous ne passez pas sur un teuf. Merci. Il y a quelque chose de magique. Il a été égaré par les gens de la disco et on cherche. Dove, Atia, ils sont vilains à France Inter avec toi. Voilà, Clara, chaleur de la littérature. Oui, parce que l'actualité, Charline, c'est aussi ce fait divers qui s'est passé dans le Val d'Oise hier. Ils ont découvert que pendant des années, une femme de 65 ans a organisé des messes noires dans son pavillon. Elle était prêtresse vaudou, ses adeptes devaient l'appeler maman, et accessoirement, lui faire des chèques pour une initiation qui coûtait aux environs de 10 000 euros. Le journal Le Parisien rapporte que, durant ces cérémonies, donc maman récoltait les chèques, mais surtout maman sacrifiait à coups de sabre des dizaines de poulets, parfois des chèvres, elle était en transe, véridique, et puis très important, elle a expliqué qu'elle n'était plus elle-même, qu'elle le changeait de voix, en bref, qu'elle était habitée. Et c'est là, Marianne James, que la littérature a très précisément ce qu'il faut pour maman, un livre qui lui tiendra compagnie au moins jusqu'à son procès. Ce livre est signé d'un immense auteur qui s'appelle Howard Phillips Lovecraft, que j'adore, dont j'ai déjà parlé ici, qui a été un des écrivains d'horreur les plus importants du XXe siècle. Michel Houellebecq lui a consacré une biographie, Stephen King ne fait pas un pas sans se réclamer de lui. En bref, Lovecraft, c'est un géant qui vous empêche de dormir. Et les éditions Point, en poche, donc en plus c'est du poche, donc c'est pas très cher, viennent de rééditer trois petits ouvrages qui contiennent les plus grands textes de Lovecraft, dont un qui s'intitule « La chose sur le seuil ». J'ai mis 8 jours avant de retrouver le sommeil en lisant ce texte. Et c'est précisément l'histoire d'un homme qui s'appelle Dan et qui ne reconnaît plus son meilleur ami, qui s'appelle Edward, depuis qu'Edward s'est marié. Depuis qu'il s'est marié, il n'a pas la même voix, il n'a pas la même façon de tenir son corps et Dan a toujours l'impression un peu diffuse que quelqu'un habite le corps de son ami, ce qui devrait parler à maman du Val d'Oise. C'est un texte d'une maîtrise incroyable. C'est serré en 7 volets bien nets et surtout, il n'y a pas une phrase que vous puissiez enlever. Pas une. Si vous en enlevez une, tout l'échafaudage s'effondre. Et l'écrivain François Bon, qui est aussi le traducteur de Lovecraft, qui est un grand fan, écrit en postface « Chaque détail narratif dispose d'un rôle précis, même minime, dans la construction implacable de l'histoire. C'est cela qui est d'abord la marque d'écriture de Lovecraft. » Ça, c'est la première chose. Et puis, un autre signe particulier, c'est que Lovecraft, il adore manier le flou. Regardez le titre, c'est « La chose sur le seuil ». C'est pas le vampire, le démon, l'esprit, l'assassin, c'est la chose. On ne sait pas ce que c'est. Jusqu'à présent, quand on avait Frankenstein, par exemple, ou Dracula, c'était des créatures d'horreur identifiables, avec un nom, une origine, une histoire, et puis un visage. Là, c'est l'incertitude qui génère l'angoisse. Et si on est très honnête, le précurseur de ça, avant Lovecraft, c'était Guy de Maupassant. Guy de Maupassant qui avait compris cette puissance réfrigérante de l'indéfini et qui écrivait dans un texte qui s'appelle « La peur » et qui est paru en 1884, il a écrit « On a vraiment peur de ce qu'on ne comprend pas ». Et comme par hasard, une des nouvelles les plus connues de Maupassant qui s'appelle « Le Horla » raconte l'histoire d'un homme qui est habité par une présence invisible et qu'on n'arrive pas à cerner comme par hasard. Donc c'est comme la chose sur le seuil et c'est comme maman du Val d'Oise. Aussi un peu parfois le regard brillant d'Alex Vizorek qui semble habité par un chef pâtissier quand il me regarde, puisque je me sens prise pour un beignet, très régulièrement. Pour revenir à Lovecraft, il reprend en fait le mécanisme de Maupassant, et en fait, il va le pousser très loin, et bien après eux, bien après Maupassant et Lovecraft, tout un pan de la culture va reprendre ce mécanisme. Je vous prends un exemple plus récent, en 1982, un film, mais terrifiant est sorti, signé John Carpenter, un parent de Miss Carpenter. Et ce film s'appelle La Chose. Rien que comme le titre de Lovecraft, La Chose sur le seuil. Là, ça s'appelle La Chose. Et ce film était tiré lui-même d'un recueil de John Campbell, qui est né après Lovecraft. Recueil qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Who Goes There ? Qui va là ? Toujours l'invisible. Et de la même façon, pourquoi le cinéma d'horreur japonais est-il le plus effrayant du monde ? Mais parce qu'à chaque fois, il est basé sur l'idée de l'ennemi de l'invisible. Un film comme Darkwater, qui est sorti en 2002, pourrait avoir été tourné par Lovecraft. toute l'angoisse s'enroule autour d'une tache d'eau qui apparaît sur un plafond dans un appartement. Alors au départ, on se dit c'est la fuite de l'appartement d'au-dessus, et pas du tout. Il n'y a pas un cri, il n'y a pas une goutte de sang, il y a une flaque d'eau sur un plafond dans un appartement. C'est quand même exceptionnel. Et bien ça, typique, c'est encore une fois l'invisible. Et alors croyez-moi, vous ne regardez plus votre plafond comme avant, après ce film. Donc gloire, gloire à Lovecraft et à sa science de l'invisible. Et je vous redonne les références. La chose sur le seuil est publiée chez Point, avec la couleur tombée du ciel, autre récit où l'ennemi est invisible. Merci Clara Dupont-Monod pour cet instant littéraire. Avant de rejoindre l'actualité avec le troisième sujet, le doyen de la chanson française a encore frappé à bientôt 91 ans. Et là, heureusement, il y a un mec qui s'est levé, il est arrivé vers moi, il m'a dit « Arrête tes sketchs. Chante-moi du Charles Aznavour. La bohème, la bohème. Ça fait plaisir. Ça va 20 ans. Toi, je suis pas très bien à chanter. Chante, je te dis. C'est le moins de 20 ans qu'ils ne peuvent pas connaître. Mon art de ce ton-là s'apprête à aider Lila jusqu'ici les fenêtres escules. La Ziza, c'est un rêve bien. Je savais plus comment faire. Presque 52 albums, parce qu'il en a fait 51, Charles Aznavour, à presque 91 ans, et le 52e est presque prêt. Et alors, il dit dans Le Parisien aujourd'hui, je ne connais pas la musique, je ne sais ni lire ni l'écrire. Pareil, quand j'ai commencé à chanter, je ne connaissais pas le français. Ça donne le vertige, ça, Marianne James. C'est comme pour le sujet tout à l'heure, où c'est, les femmes journalistes se plaignent de la misogynie, et je pense que toute la civilisation française, même occidentale, et même orientale, et moyenne-orientale, est touchée par ça. À propos de la vieillesse, puisque nous envisageons tous de vieillir beaucoup plus longtemps et en bonne santé, et ben voilà, on a un exemple de nonagénaire en pleine forme, il continue. Il va falloir envisager que Johnny fasse pareil. Mais attendez, si Florent Pagny fait pareil, on fait comment, nous? Mais arrêtez, enfin quoi, avec les chanteurs populaires, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais Florent Pagny, non, c'est quoi, Florent Pagny? Peut-être pas l'heure pour lancer le débat. À 17h54, mais giflez-le, Marianne James. Mais enfin, mais juste préciser que Marianne James aime Jean-Jacques. Moi, j'aime. Voilà. Oui, voilà. Oui, alors j'ai voilà. Jean-Jacques Goldman, que j'aime bien. Un petit mot de Charles Aznavour, André Manouchian. J'ai écouté son dernier album, et il y a quelque chose de roots. Vous savez, ça fait penser à ses albums cubains du Buena Vista Social Club. Tout d'un coup, il est revenu à des sons complètement acoustiques, à une batterie un peu lourde et grasse. Il a fait tout. Il a épuré, il est sobre. On découvre les textes, et il a encore des choses à dire, notamment cette histoire d'amour entre deux aveugles qui se sniffent sous les aisselles. Moi, ça m'a beaucoup touché. Henri Salvador et ce merveilleux album, le dernier album. Oui. Enfin, on a des exemples. Mais non, mais on ne sait pas. Césaria Evora qui a chanté jusqu'au bout. Et là, Fitzgerald avec la voix, les trois octaves de voix, les chansons d'origine chantées dans la même tonalité que quand elle avait 20 ans. And why not? Pourquoi mais écoute, pas? Mais bien nous, sûr. Et les journalistes de 90 ans? Des femmes journalistes à l'antenne. Oui, oui, alors il y en a certains, ils peuvent prendre leur retraite, mais pas, pas Charles Aznavour. Je pense pas qu'il y ait de retraite chez les artistes. Mais nous, on adore les chanteurs suisses, donc Aznavour, on adore. Voilà. À cette heure-ci, Marianne James, pour clore ce sujet, cette émission, nous avons Alex Vizorek, comme on l'annonçait. Eh ben, c'est l'heure de. De quoi? Des news au kilo. Et mais qu'est-ce que c'est? J'ai un rôle pour Marianne James. Ah, voilà, j'ai un rôle ça, pour Marianne James, puisque. Alors attention, voilà. Hier nous avons ouvert le premier épisode du Front de l'amour, une telenovelas sur la famille Le Pen. Donc, comme il se passe des choses, aujourd'hui épisode 2, je vous ai donné le rôle de Jeannie Le Pen. Attention, on y va, musique. Jingle musique. Hier. Jean-Marie s'est disputé avec Marine au sujet de Florian, tout en aimant Marion et en détestant Louis. Après être passé chez son ami Bruno, Jean-Marie retrouve le calme de son foyer. Jeannie, j'ai l'impression que personne ne m'aime. Mais non, Jean-Marie, je suis là, je serai jusqu'au bout ton Eva Braun. Ah non, moi ils ne m'auront pas. Jean-Marie, calme-toi. Tu es dépassé aujourd'hui. Non, ne me dis pas ça. Disons qu'à côté de Robert Ménard, tu passes pour un philanthrope. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ma fille qui m'humilie, si je l'avais en face de moi? Oh, quel hasard. Ce doit être elle. Marine? Papa, J'ai été obligée de te poignarder. C'est très vilain ce que tu as fait à ton père. Oh oui, je vais prendre des mesures. Oui, il faut que tu la déshérites. Ah oui, je te déshérite. Mais qui hérite alors? Moi, c'est moi qui hérite. Ah oui, ça me fait plaisir, Marion. Non, moi c'est Johnny. Ah oui, oui, et toi, Marine, je ne veux plus que tu portes mon nom. Oh, papa. Tu n'as qu'à te marier avec ce Florian, là. Mais papa, tu sais bien que ça n'est pas un homme pour moi. Ah oui, et pourquoi? Mais il est beaucoup trop pédagogue. Ouais, c'est ça, va-t'en. Oh, papa. Rien ne va plus dans la famille. Marine va-t-elle se raviser? Florian va-t-il offrir un nouveau parapluie à Bruno? Et jusque quand Jean-Marie va-t-il repousser son AVC? Vous le saurez dans les prochains épisodes du Front de l'Amour. Ah, brillant, Marianne Jem. Merci Marianne Jem dans le rôle de Jeanne Kev. Ça, j'aurais pas de Guillaume Meurice, ça a quand même des allures de serial killer. À l'affiche, à l'affiche de Miss Carpenter. Allez-y. C'est au théâtre du Gymnase jusqu'au 29 août. Une pièce de Marianne Jem et Sébastien Marnier, oui, avec une mise en scène d'Emeric Emmanuel Schmitt et Steve Suissa. C'est du mardi au samedi à 21h. Et puis on rappelle aussi les Symphonies subaquatiques. C'est un conte musical au cœur des océans aux éditions des Braques. C'est très joli. Oui, oui, c'est magnifique. Mais je le dis parce que les enfants et les grands vont adorer. Et voilà. Et puis, tu m'avais dit, Marine, tu étais très forte en apnée, mais là. Oui. Et vous commenterez aussi la finale de l'Eurovision, tiens, le 23 mai sur France 2. Alors, avec Stéphane Bern. Oui. Alors quand on co-commente, ça fait co-commente. Il y a aussi vanille chocolat et co-commente. Voilà, on va se retrouver demain avec le dessinateur Mathieu Sapin. J'en profite pour vous dire que nous, on se retrouve ce soir sur France 4 à 20h50. Oui, je vous demande de vous arrêter avec Vizorek, Meurice, Dédé, Hélène Roussel, VDB et Nicole Ferroni. Et voici le mot de la fin. Non mais oh, hey, entendons-nous bien, hein, moi j'ai rien contre vous personnellement. Hein. Seulement maintenant, avec les mœurs d'aujourd'hui, si on vous fout pas tout de suite la main au cul, on passe pour un PD.